الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers frères et sœurs, nous continuons ensemble la lecture et l'explication du livre d'Ibn Aqil رحمه الله تعالى sur le bon comportement intitulé Fusul al-Adab wa Makarim al-Akhlaq al-Mashru'a, chapitre sur les politesses et les nobles caractères légiférés. Et nous allons voir aujourd'hui différentes bienséances que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnées ici. Les premières concernent le jugement de se rendre dans un hammam pour les hommes ou pour les femmes. Comme vous le savez, le hammam, qui est cet endroit où les gens se rendent pour se laver ou pour se soigner à l'aide de l'eau chaude qui s'y trouve. Et il a dit, rahimahullah, ودخول الحمام جائز للرجال بالميازير الساترة. Et l'entrée au hammam est permise pour les hommes s'ils portent un izar couvrant, c'est-à-dire un vêtement couvrant le bas de leur corps, couvrant leur awra. Donc on voit ici que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné la permission pour les hommes d'entrer au hammam. Mais il a conditionné cela par le fait qu'ils couvrent leur awra. Cela signifie que si leur awra n'est pas couverte, qu'ils ne sont pas à l'abri de tomber dans le haram, qu'ils ne sont pas à l'abri de voir la nudité des gens ou de la toucher, alors l'entrée au hammam n'aura pas le même jugement. Mais les gens de science ont mentionné différentes conditions pour que l'homme puisse entrer dans ce lieu. La première est celle que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionnée ici. Que l'homme couvre sa awra, qui se trouve du nombril au genou. Il ne convient pas que sa awra soit découverte lorsqu'il entre dans ce lieu. Et de la même manière en tout autre lieu, que ce soit à la piscine ou à la plage. L'homme n'a pas à se rendre dans un endroit où il découvrira sa awra, ou alors dans un endroit où il verra la awra d'autres personnes. Ceci a le même jugement. Il est question ici du hammam, mais il en est de même concernant tout autre lieu où l'homme serait susceptible de découvrir sa awra et ne serait pas à l'abri de tomber dans un interdit ou de voir la nudité des gens. Donc la première condition est qu'il couvre sa awra. La deuxième est qu'il ne regarde pas et ne voit pas la awra des autres. Si lui est couvert mais que les autres ne se couvrent pas et font preuve de négligence, alors dans ce cas-là, il ne lui sera pas permis de se rendre dans ce lieu, que ce soit le hammam, une piscine, une plage ou autre. La troisième condition qu'ils ont mentionnée est qu'il ordonne à ceux qui seraient amenés à découvrir la awra de la couvrir, car ceci fait partie du commandement du bien et de l'interdiction du mal. Donc s'il se rend dans ce lieu pensant que les gens seraient couverts, puis qu'une fois arrivé, il voit que certaines personnes sont négligentes, il lui incombe de leur ordonner de se couvrir. Et s'ils lui obéissent en cela, alors il n'y aura pas de gêne pour lui à rester. Également, les gens de science ont mentionné l'interdiction pour la personne de se faire toucher la awra dans ces lieux. Comme vous le savez, il y a aujourd'hui certains lieux où les gens se font masser, par exemple. Et il se peut que ces massages aient lieu au niveau de la awra. Et ceci est strictement interdit. La awra ne doit pas être vue et elle ne doit pas être touchée. Enfin, ils ont mentionné également le fait que même si tu te rends dans un tel lieu, il ne convient pas d'utiliser l'eau avec excès au point de la gaspiller, car le gaspillage est blâmable de manière générale, même si ce n'est pas toi qui payes la facture d'eau. Et ça, c'est important à comprendre, car certaines personnes, lorsqu'elles sont dans un lieu public ou autre, elles se laissent aller à ce sujet au point de gaspiller, et le gaspillage reste blâmable. Ce n'est pas parce que tu ne payes pas que tu as le droit de gaspiller. Le gaspillage est blâmable dans notre noble religion. Donc ces conditions rendent à l'homme permis l'entrée au hammam. Et certains parmi les gens de science ont même dit que s'il a besoin d'y entrer pour faire un ghusl qui est obligatoire, alors l'entrée au hammam sera obligatoire. S'il doit faire son ghusl d'al-janaba, qu'il est en état d'impureté majeure, et qu'il n'a pas de lieu où faire le ghusl, si ce n'est ce hammam, alors il se peut que l'entrée dans ce hammam soit pour lui obligatoire en veillant à respecter les conditions précédemment citées. Également, s'il a besoin d'y entrer pour un ghusl qui est recommandé, alors l'entrée sera pour lui recommandée. Et s'il rentre simplement pour se laver, on dira que cela est permis s'il respecte les conditions précédemment citées. Ensuite, ils ont dit que s'il craint de tomber dans un interdit, il n'en est pas sûr. Il entend parler d'un hammam, il pense que les gens respectent les bienséances légiférées, qu'il se couvre comme il se doit, mais il craint qu'il y ait de la négligence à ce sujet. Il n'en a pas la certitude. Dans ce cas-là, on dira qu'il est détestable pour lui de se rendre dans ce lieu. Il est détestable de te rendre dans un lieu dans lequel tu crains de tomber dans l'interdit. Et ce, si tu n'en as pas la certitude. Mais si tu as la certitude qu'en allant dans ce lieu, tu vas tomber dans le haram, tu vas tomber dans l'interdit, tu risques de découvrir ta aura ou tu risques de voir la nudité des gens, ou tout autre interdit dans lequel tu pourrais tomber. Alors dans ce cas-là, l'entrée dans ce hammam est interdite. La preuve à ce sujet que les gens de science ont mentionné est le hadith de Jabir radiyallahu anhu qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il ne rentre pas au hammam sans izar, c'est-à-dire sans vêtements couvrant le bas de son corps. » Et ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi, An-Nasa'i et d'autres, et il a été jugé bon par Al-Albani, rahimahumullah ta'ala. Ceci est donc le jugement de l'entrée au hammam concernant les hommes. Ensuite, il a dit, rahimahullah, « وَيُكْرَحْ لِنِّسَا إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَحَاجَرْ » Et cela est détestable pour les femmes, sauf en cas de maladie ou de besoin. Donc les gens de science ont mentionné que l'entrée au hammam est détestable pour les femmes, premièrement car, généralement, les méfaits mentionnés précédemment se trouveront dans les hammams où se réunissent les femmes. Il y aura de la négligence concernant le fait de couvrir la aura, et par conséquent, la femme risque dans beaucoup de cas de tomber dans le haram. Et ils ont mentionné un hadith à ce sujet, rapporté par Abu Daoud et authentifié par l'imam Al-Albani, rahimahumallah ta'ala, dans lequel il est rapporté que des femmes, des gens du Sham, sont entrées auprès de Aïcha, radiyallahu anha. Allah leur dit, « Vous êtes celles dont les femmes entrent dans les hammams. J'ai certes entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à dire, « Il n'y a pas une femme qui retire ses vêtements dans une maison autre que celle de son époux, sans déchirer ainsi le voile qu'il y a entre elle et Allah, azza wa jal. » À partir de là, les gens de science ont dit que il est blâmable pour la femme de se découvrir dans ces lieux, d'autant plus si elle craint pour sa personne et son honneur, et qu'elle risque d'être vue par des personnes mauvaises qui risqueraient de la décrire ou autre. Et l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a dit au sujet de ce hadith que ce qui est visé est que la femme retire ses vêtements dans une maison autre que celle de son mari pour accomplir la perversité et le mal. Ou alors qu'elle les retire sans aucune précaution au point d'être vue par des hommes. Mais si elle retire ses vêtements pour un intérêt, dans la maison de son frère, dans la maison de son père, dans la maison de l'un de ses maharim, ou une maison de confiance auprès de ses sœurs, dans une maison dans laquelle il n'y a pas de risque pour elle à changer ses vêtements, aller aux toilettes ou se laver d'une manière qui ne laisse pas apparaître sa aura et sans aucun risque, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit, alors le plus probant est qu'il n'y a pas de mal en cela et Allah est plus savant. Et ce qui est visé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le cas où elle le fait d'une manière en courant un risque. » Fin de citation de la parole du Cheikh, rahimahullah ta'ala. Et nul doute que Les hammams publics sont des lieux où la femme encourt un risque. Et c'est pour cela que certains savants ont même dit que cela est interdit pour elle. Ils n'ont pas dit seulement comme l'auteur que cela est détestable, mais ils ont dit que cela est interdit pour les nombreux méfaits qui se trouvent en ces lieux. Et il a dit, rahimahullah, que cela n'est plus détestable si elle s'y rend en raison d'une maladie ou d'un besoin. Si la femme a par exemple besoin de faire son roussle suite à la janaba ou suite à la purification de ses menstrues, ou alors si elle a une maladie qu'elle peut traiter dans ces lieux, et qu'elle est à l'abri de tout interdit, que sa aura ne sera pas vue, qu'elle ne verra pas la nudité des gens, et ainsi de suite parmi les choses que l'on a mentionnées concernant les hommes. Alors dans ce cas-là, si le besoin est présent, qu'elle ne peut faire son roussel en un autre lieu, et qu'elle a besoin de se rendre dans ce hammam pour se laver, ou alors pour traiter une maladie, il n'y a pas de mal, incha'Allah ta'ala, tant qu'elle est à l'abri de tous mes faits. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, est passé à une autre question qui concerne la teinture des cheveux ou de la barbe. Et il a dit, rahimahullah, wa la ba'sa bil khisab bil hinna wa huwa yustahab wa kadhalika al katam wa yukrah bis sawad. Et il n'y a pas de mal à se teindre avec du hinna, et cela est recommandé, et il en est de même avec Al-Katam, qui est un autre colorant végétal dont la couleur est noire et penche vers le rouge. Et le Hanna, comme vous le savez, il est plus vers le rouge orangé. Et c'est pour cela que ces deux colorants végétaux sont utilisés pour teindre les cheveux ou la barbe, et ils sont mélangés afin d'atteindre une couleur qui se trouve entre le noir et le rouge, et qui aura un rendu plus proche de ce que l'on appelle la couleur châtain. Wallahu ta'ala a'lam. La preuve qu'il est légiféré de se teindre avec le hanna et le katam est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Abi Dharr radiyallahu anhu, dans lequel il a dit: la meilleure chose par laquelle vous pouvez changer vos cheveux blancs est le hanna et le katam. Et ce hadith est rapporté par Abu Daoud et d'autres, et authentifié par Al-Albani, rahimahumullah ta'ala. On rapporte aussi de Anas, radiyallahu anhu, qu'il a été interrogé afin de savoir si le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se teignait les cheveux blancs. Il répondit alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas atteint cela, c'est-à-dire qu'il n'avait que quelques poils blancs au niveau de sa barbe, et il n'avait pas besoin de se teindre. On lui dit alors: et est-ce que Abu Bakr le faisait? Il répondit que oui, et il dit: avec le hinna et al-katam. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Et parmi les preuves de la recommandation de se teindre les cheveux blancs ou la barbe blanche, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et muslim, rahimahumallah ta'ala, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, certes les juifs et les chrétiens ne se teignent pas, alors opposez-vous à eux. Opposez-vous à eux. De manière générale, il est demandé aux musulmans de ne pas s'assimiler aux gens du livre ou autres parmi les mécréants et les polythéistes. Et entre dans cela le fait qu'eux ne se teignent pas les cheveux blancs et la barbe blanche, mais ils les laissent ainsi. Donc, pour s'opposer à eux, les musulmans, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont teindre leurs cheveux et teindre leur barbe lorsque ceux-ci vont devenir blancs. Et ceci est recommandé. Et certains pourraient dire: mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a ordonné de s'opposer à eux. Son ordre n'indique-t-il pas que cela est une obligation? L'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a dit à ce sujet que le fait de teindre les cheveux blancs est une chose recommandée, et que cela n'est pas obligatoire, et il se peut que la preuve de la non-obligation soit le fait que nombre de compagnons radiyallahu anhum ne le faisaient pas ou le retardaient en raison de leurs nombreuses occupations. Donc, l'ordre ici fait office de recommandation et non pas d'obligation. Il est donc recommandé pour le musulman qui a des cheveux blancs de les teindre avec al-hinna ou al-katam, car c'est la meilleure chose par laquelle on peut se teindre les cheveux ou la barbe. comme il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que cela est détestable en noir, c'est-à-dire qu'il est détestable de se teindre les cheveux ou la barbe en noir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam muslim rahimahullah ta'ala, à un homme qui avait les cheveux et la barbe blanche, changez cela, changez la couleur de cela par une chose, par une autre couleur, et évitez le noir. À partir de là, les gens de science ont dit qu'il est détestable de se teindre les cheveux ou la barbe en noir. Et certains parmi les savants, comme l'imam Ibn Baz et l'imam Ibn Uthaymin, rahimahumallah ta'ala, ont dit que la teinture noire était interdite, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et l'interdiction est encore plus forte s'il y a en cela une forme de tromperie, comme lors d'une demande en mariage, par exemple. Si l'homme ou la femme se teigne les cheveux ou la barbe en noir afin de laisser penser que leurs cheveux ne sont pas encore blancs, l'interdiction ici sera bien plus forte en raison de la tromperie que cela comporte. Donc en résumé, on dira qu'il est recommandé pour les hommes et les femmes de teindre leurs cheveux blancs, et plus particulièrement avec les colorants végétaux comme al-henna, le henné et al-katam. Et cela est détestable, voire interdit, de les teindre en couleur noire. Et on a vu dans un cours précédent que ces cheveux blancs sont un avertissement de la mort, et que ton terme approche, et que le musulman qui a des cheveux blancs doit d'autant plus chercher à se remettre en question et à se réformer. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a abordé une autre question qui concerne l'isolement entre un homme et une femme étrangère. Et il a dit, « وَلَا يَجُوز أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِإِمْرَأَةٍ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ » Et il n'est pas permis à l'homme de s'isoler avec une femme qui ne lui est pas mahram, qui ne lui est pas interdite, c'est-à-dire qui ne fait pas partie de ses proches avec lesquels il a le droit de s'isoler comme sa mère, sa grand-mère, ses tantes paternelles ou maternelles, ses sœurs, ses filles, et ainsi de suite parmi les femmes qui font partie de ses maharim. L'homme, de manière générale, n'a pas le droit de s'isoler avec une femme qui lui est étrangère, quelles que soient leurs intentions, même si cet isolement est pour une chose qui ne comporte aucun mal. L'isolement en lui-même est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala, l'homme ne s'isole pas avec une femme si ce n'est avec un mahram. Si ce n'est avec un mahram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez garde à l'entrée auprès des femmes. Prenez garde à l'entrée auprès des femmes. C'est-à-dire de rentrer et s'isoler avec une femme qui t'est étrangère. Ou que la femme s'isole avec un homme qui lui est étranger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Al-hamu, al-maut. Al-hamu, c'est la mort. Et qui est al-hamu? Al-hamu, ce sont tous les proches de l'époux, comme son frère, son neveu, son oncle, paternel ou maternel, tous ces hommes qui seraient susceptibles de rentrer dans sa maison à répétition, et desquels pourrait découler un grand danger. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cela était comme la mort, en raison de la corruption religieuse et morale que cela pourrait engendrer. Nombre de personnes sont négligentes à ce sujet. La femme s'isole avec le frère de son époux, avec son oncle, avec son neveu ou son cousin, et ils considèrent que ce sont des membres de la famille et qu'il n'y a aucun mal en cela. Par conséquent, le fait d'être négligent à ce sujet et que ces hommes entrent auprès de la femme en l'absence de l'époux, cela peut être la cause de nombreux méfaits. Et combien de corruptions et de turpitudes ont lieu dans de nombreuses sociétés en raison de la négligence à ce sujet, avec les beaux-frères ou encore les cousins, les cousines et ainsi de suite. L'homme ne s'isole pas avec une femme étrangère sans que le diable ne soit le troisième d'entre eux. Même si tu as de bonnes intentions, même si tu penses être pur, nul parmi les gens n'est à l'abri. Et le diable enjolive le mal de toutes sortes de manières, jusqu'à mener la personne à la corruption et au péché, et à la faire périr. Donc il n'est pas permis à l'homme de s'isoler avec une femme étrangère, et il n'est pas permis à la femme d'accepter de s'isoler avec un homme étranger. Et lorsque l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, il n'est pas permis à l'homme, c'est-à-dire à un homme pubère. Quant au fait que la femme s'isole avec un garçon impubère, ne faisant pas partie de ses maharim. Alors à ce sujet, les gens de science ont divergé. Certains ont dit, si l'enfant a atteint l'âge de discernement, alors cela est interdit et elle ne doit pas s'isoler avec lui même s'il n'est pas pubère. Wallahu ta'ala a'lam. Donc l'isolement visé par l'interdiction est le fait qu'un homme se trouve seul avec une femme sans qu'il n'y ait d'autres personnes. Et ceci est interdit à l'unanimité. Et cet isolement est dissipé par la présence d'une troisième personne avec eux si celle-ci est une personne pubère ou ayant atteint l'âge de discernement. Mais si c'est un enfant impubère et qui n'a pas atteint l'âge de discernement, alors sa présence est comme son absence et elle ne lèvera pas l'interdiction de l'isolement. Ils seront comme isolés en présence de cet enfant. Mais pour que l'isolement n'ait plus lieu, il faut impérativement la présence d'une troisième personne ayant atteint l'âge de discernement ou étant pubère. La deuxième catégorie d'isolement, qui est une catégorie au sujet de laquelle les gens de science ont divergé, c'est l'isolement d'un homme étranger avec plusieurs femmes ou l'isolement d'une femme étrangère avec plusieurs hommes. Certains ont dit que cela est également interdit. Et d'autres, comme l'imam Ibn Baz et l'imam Ibn Uthaymin, rahimahumallahu ta'ala, ont dit que cela est permis et ils ont pris pour preuve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, dans lequel il a dit « À partir d'aujourd'hui, qu'aucun homme n'entre auprès d'une femme dont l'époux est absent, qu'il soit en voyage ou autre, sauf s'il a avec lui un autre homme ou deux. » C'est-à-dire sauf s'ils sont deux ou trois, mais qu'ils n'entrent pas seuls. Et Al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a dit « Le sens apparent de ce hadith est la permission de l'isolement de deux hommes ou trois avec une femme étrangère. Et ce qui est connu chez nos confrères est l'interdiction de cela. On interprète donc ce hadith concernant un groupe duquel est loin le fait de tomber dans la turpitude ou de s'en approcher en raison de leur vertu ou de leur dignité ou autre que cela. » Fin de citation de la parole d'Al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Donc on comprend que l'interdiction concerne à l'unanimité l'isolement entre un homme et une femme étrangère s'ils sont seuls. S'il y a deux hommes ou plus avec une femme, ou s'il y a un homme et plusieurs femmes, le jugement est différent. Certains ont dit que cela est également interdit, en raison des méfaits que cela peut engendrer. D'autant plus à notre époque où les gens manquent de pudeur et ont dû laisser aller et ne respectent pas les bonnes convenances lorsqu'ils se retrouvent dans ce genre de situation. Mais si ce sont des personnes vertueuses et qu'il y a un besoin en cela, une femme est seule et a besoin que des hommes entrent chez elle pour des raisons de sécurité, pour des réparations ou autre chose semblable. Alors s'ils sont plusieurs et qu'ils sont vertueux, qu'on ne craint pas d'eux qu'ils portent nuisance à cette femme ou qu'ils s'approchent d'elle ou autre de manière interdite, alors dans ce cas-là, l'interdiction est levée. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَلَا يَجْتَمِعَ رَجُلَانْ وَلَا امْرَأَتَانْ عُرْيَانَيْنْ فِي فِرَاشٍ وَاحِدْ وَلَا إِزَارٍ وَاحِدْ » Et deux hommes ou deux femmes ne se réunissent pas dénudés dans un seul lit ou sous un seul vêtement ou sous une seule couverture. La preuve à ce sujet Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « L'homme ne regarde pas la aura de l'homme, et la femme ne regarde pas la aura de la femme, et l'homme ne se joie pas à l'homme dans un seul vêtement, et la femme ne se joie pas à la femme dans un seul vêtement. » C'est-à-dire qu'il ne leur est pas permis de se réunir de cette manière, sous une seule couverture ou autre, en raison des nombreux méfaits que cela peut engendrer. Et la réprobation est levée s'il y a entre eux un obstacle comme une couverture ou autre, ou alors s'ils portent des vêtements, ou bien si ce sont de jeunes enfants de moins de 7 ans. Et le fait qu'un homme dorme dans le même lit qu'un autre homme, ou une femme dans le même lit qu'une autre femme, est interdit si ils ne se sentent pas à l'abri de la fitna, ne se sentent pas à l'abri de la tentation, ou si l'un d'entre eux ne se sent pas à l'abri de la tentation. Cela est interdit également si cela mène à la vue ou au toucher de la aura, de la nudité. Et cela est interdit également si l'un d'entre eux est un homme et l'autre est une femme, ou si l'un d'entre eux est un homme et l'autre un jeune garçon. C'est d'ailleurs pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de séparer les enfants dans les couches dès l'âge de 10 ans. On sépare entre les garçons et les filles, mais également entre les garçons et entre les filles. Et chacun va avoir sa propre couche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith « Ordonnez à vos enfants la prière dès l'âge de 7 ans, frappez-les pour celle-ci dès l'âge de 10 ans et séparez-les dans les lits. » Séparez-les dans les lits. À partir de 10 ans, il ne convient pas de les laisser dormir dans un seul et même lit en raison des méfaits que cela pourrait engendrer. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, est passé à une autre question et il a dit « Wala yajuz ta'ammudu hudur al-lahwi wal-la'ib » Et il n'est pas permis d'être présent volontairement dans un lieu de jeu ou de distraction. Et ce qui est visé par cela est qu'il est interdit de se rendre dans un lieu où se tiennent des jeux ou des distractions interdites. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit que tout lieu où se trouvent des distractions dont le mal l'emporte sur le bien, comme le mensonge, la trahison, les jeux de hasard, les loteries ou autre chose semblable, ou tout jeu qui conduit au délaissement d'une obligation ou à commettre un interdit, comme le fait de retarder la prière, comme c'est le cas de nombre de personnes qui pratiquent certains sports ou certaines distractions au point de manquer la prière en son temps. Tout cela est interdit. Également si cela conduit la personne à délaisser ses obligations envers ses parents ou délaisser ses obligations envers son foyer. Certaines personnes qui pratiquent certains loisirs au point d'abandonner leurs responsabilités dans leur foyer et de passer leur temps à jouer et à se distraire. Tout cela relève de l'interdit. Il n'est pas permis à la personne de se rendre volontairement dans ces lieux. Et ceci concerne donc les jeux et les distractions interdites. Qu'ils soient interdits en eux-mêmes, en raison du mal qu'ils comprennent, ou alors qu'ils soient interdits car ils mènent à l'interdit. Ils mènent au dévoilement de la nudité, comme c'est le cas de nombreux sports. Ils mènent au regard de personnes qui ont dévoilé leur nudité. Ils mènent au retard ou au délaissement de la prière en son temps, et ainsi de suite parmi les choses qui sont fréquentes pour les gens adeptes de ce genre de loisirs et de distractions, Allah al-Musta'an. Ensuite, il a dit, rahimahullah, que les jeux et distractions sont recommandés si celles-ci ont un intérêt prépondérant et qu'elles ne comportent pas de nuisances. La preuve à ce sujet est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans le hadith « Toute chose par laquelle l'homme se distrait est vaine. Toute chose par laquelle l'homme se distrait est vaine. Sauf le tir à l'arc, l'éducation de son cheval et le fait qu'il joue avec sa femme. Car ceci fait partie de la vérité. » Donc on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que les distractions sont vaines. Et il a fait exception de choses qui ont un intérêt prépondérant, comme le tir à l'arc qui va permettre à l'homme d'apprendre à viser. Et il y a un intérêt en cela pour la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il en est de même concernant l'éducation de son cheval, ce cheval sur lequel Il montait à cette époque pour lutter sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a fait exception également du fait que l'homme joue avec son épouse. Car ceci fait partie des choses louables, dont l'intérêt est prépondérant car ceci va permettre d'installer la concorde et l'amour entre eux. Il y a donc un bien et un intérêt prépondérant en cela. Et c'est pour cela que ces formes de distraction sont recommandées tant qu'elles ne comportent pas d'interdit. Attention, tant qu'elles ne comportent pas d'interdit, cela ne signifie pas qu'on va jouer à des jeux interdits. Non, il est nécessaire que le jeu soit permis et licite. Et si c'est le cas, alors ces formes de distraction sont recommandées pour l'intérêt qu'elles comportent. La troisième catégorie de jeux et de distractions est celle qui sont permises. Et c'est celle qui ne comporte ni intérêt ni méfait. Il n'y a pas d'intérêt en elle, mais elle ne comporte également aucun méfait. Ne détourne pas l'homme de ses obligations, ne comporte pas d'interdit en elle-même, et ainsi de suite. Dans ce cas-là, elles sont permises, car la base est la permission. Et quant à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, « Toute chose par laquelle l'homme se distrait est vaine », Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, a expliqué ici que le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disant que cette distraction est vaine, cela signifie toute action dans laquelle il n'y a pas d'intérêt. C'est une action qui est vaine, mais elle est permise pour les âmes qui ne patientent pas sur ce qui est profitable. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à patienter sur ce qui leur est profitable. Alors il est mieux pour elles de s'occuper par une chose qui reste permise, qui n'est pas nuisible, même si elle n'a pas d'intérêt. Elle sera vaine, mais au moins la personne ne tombera pas dans un interdit. Et la personne peut en avoir besoin à certains moments. Tant qu'il n'y a pas de méfait en cela, que cela ne mène pas à un interdit, il n'y a pas de gêne, inshallah ta'ala, à condition, bien sûr, de ne pas y passer l'ensemble de son temps. Et plus la personne s'occupera par ce qui lui est profitable, mieux ce sera pour elle, bi'idhnillahi ta'ala, car notre temps est compté dans ce bas monde. L'âme peut avoir besoin de se distraire, l'âme peut avoir besoin de moments où elle se laisse aller à certains loisirs, à certains jeux, à certaines distractions qui sont permis, tant que cela ne la détourne pas de ses obligations. Et ceci, il convient que cela ait pour but de te rebooster et te redonner de l'entrain et de l'enthousiasme pour multiplier les bonnes actions. Il se peut que la personne consacre du temps, par exemple, à certaines adorations, à l'étude de la science, à la mémorisation, et ainsi de suite. Et elle s'accorde de temps à autre un temps pour se distraire et pour les loisirs. Et ce, afin de reposer son âme, de la distraire et de lui redonner de l'enthousiasme pour reprendre ses bonnes actions qui, elles, lui seront profitables auprès d'Allah, bi'idhnillahi ta'ala, et seront la cause de son élévation au degré. Donc, la personne doit emprunter à ce sujet la voie du juste milieu, sans excès ni laxisme. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Wala shay min al-malahi al-mutribah kat-tabl wa-zamr » Et il n'est pas permis non plus d'assister ou d'être présent volontairement dans un lieu où se trouvent des instruments de musique quels qu'ils soient, que ce soit des tambours, que ce soit des flûtes, ou que ce soit la musique comme elle est jouée aujourd'hui à travers les moyens modernes, à travers des enceintes ou autres. Tout ceci est interdit. Et comme il est venu dans certains récits, la musique, le chant font pousser l'hypocrisie dans le cœur de la personne. Celui dont le cœur sera occupé par la musique, les instruments et les chants, son cœur sera distrait, se détournera du Coran. Et nul doute à ce sujet. Car l'amour du Coran et l'amour de ses musiques et de ses chants ne peuvent se réunir dans un seul et même cœur. Si la personne prend du plaisir à écouter la musique, alors inévitablement elle s'éloignera du Coran. Et inversement, si la personne prend du plaisir à écouter le Coran, qu'elle médite sur ce Coran, alors ceci éloignera d'elle l'hypocrisie, éloignera d'elle l'amour de ses chants et de cette musique. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite il dit, rahimahullah, وخص من ذلك الدف للنكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف. Et fait exception à cela, à l'interdiction des instruments de musique, le fait de taper du duf pour pour le mariage. D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, annoncer le mariage et frapper pour celui-ci sur le dos. C'est-à-dire que le mariage, il convient de l'annoncer. Et parmi les moyens de l'annoncer, le fait que le dof, il soit tapé dans la maison de la mariée, par exemple. Afin que les gens sachent qu'il y a un mariage dans cette maison. Et ceci est une manière de l'annoncer. Il est donc permis de frapper du dof pour le mariage, et cela est même recommandé d'après ce hadith. Et certains parmi les gens de science ont élargi la permission à tout moment de joie, comme les jours de Eid, ou au moment d'une naissance, ou autre chose semblable. Toutefois, la recommandation ne concerne que le jour du mariage. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, est passé à d'autres questions concernant la ruqya et les soins. Et nous verrons cela, incha'Allahu ta'ala, dans le prochain cours, bi'inillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم